Chapitre 5. Les troupes arrivent en Canada. L'obligation de lutter continuellement contre les sauvages portait l'attention des colons vers l'état militaire. C'était l'état le plus en vue. Or, cette disposition fut singulièrement activée parmi la jeunesse de Montréal lorsqu'on vit arriver dans le pays, avec le régiment de Carignan, la fleur de la noblesse de France et l'élite de ses familles militaires qui vouaient leurs enfants à la guerre. Après toutes les réclamations des colons contre les attaques continuelles des sauvages, le gouvernement résolut enfin, vers 1666, de transporter en Amérique des forces considérables pour assurer le salut de la colonie. Les Iroquois, dit M. Colbert dans ses lettres à l'intendant Talon, s'étant déclarés les ennemis perpétuels et irréconciliables de la colonie et ayant empêché par leurs massacres et leur cruauté que le pays ne pût se peupler et s'établir, étonnant tout en crainte et en échec, le roi a résolu de porter la guerre jusque dans leur foyer pour les exterminer entièrement, n'y ayant nulle sûreté en leurs paroles. Et en effet, le ministre envoyait le général de Tracy avec plusieurs compagnies d'infanterie et le commandant de Courcelles avec 1000 hommes du régiment de Carignan qui avait suivi Turenne depuis plusieurs années. Il venait de se signaler en Hongrie sous les ordres du général Montecuculi, qui en 1664 à Saint-Cottard, aidé par 6000 Français, accabla l'armée ottomane. Dès l'année 1650, ce même régiment de Carignan, sous les ordres de M. de Turenne, s'était distingué par sa bravoure et sa fidélité à l'autorité royale, dans les combats contre la Fronde à Étampes, à Auxerre et enfin à la porte Saint-Antoine. L'arrivée des troupes à Québec fit un effet merveilleux. La confiance fut ranimée et les cœurs remplis d'espérance dans la sollicitude du gouvernement. L'entrée des régiments était de l'aspect le plus imposant au milieu des colons séparés depuis si longtemps des splendeurs de la mère patrie. Une bande de clairons et de tambours ouvrait la marche. La fanfare jouait ordinairement la marche de Turenne, composée par Lully pour M. de Turenne. Après la fanfare venaient les militaires appartenant à deux régiments, avec leurs couleurs distinctives. Les officiers habillés richement et comme il convenait à des jeunes gentilshommes des meilleures familles. Ensuite l'on voyait apparaître les commandants supérieurs, M. de Courcelles, M. de Sellières, et enfin M. de Tracy avec ses officiers d'ordonnance. Il avait 24 gardes toujours attachés à sa personne.